balance. Nique les bones, Steve dans la planche. Je gagnerai jamais au loto, nique la chance. Bientôt je me casse sur une île, nique la France, nique l'argent, moi je veux de l'or, nique la danse. On sort en boîte pour serrer des tasses, vendre des extas, nique les médias. C'est les rois des menteurs, nique le 20h, nique BPDA, nique le CSA, la TVA, nique l'extrême droite. Ah ouais j'oubliais, nique l'État, nique la justice, y'a Dieu qui peut me juger. Nique les huissiers, y'aura du sang si à mettre les pieds chez moi. Nique les clubs, les drogues, les profs, l'école, nique le cynique qui fait sa honte dans mon bloc. Nique la fac, nique la PAC, c'est Kennedy, si tu kiffes app, nique ta race. Nique sa mère, nique sa mère. J'suis au quartier, bah ouais, rien à faire. Gros, ça bicrave, ça pédave, ça galère. J'suis bitume avec une paire de Nike Air. Gros, nique sa mère, nique sa mère. J'suis au quartier, bah ouais, rien à faire. Gros, ça bicrave, ça pédave, ça galère. Gros, nique sa mère, nique sa mère. Les temps sont durs, gros, on veut piloter des beats turbo. Nique les Twingo, tu piges gros. Nique les VIP, des crasseuses, tu mets des strings usés. Nique ta meuf si elle veut pas sucer. Nique le maire, c'est sale chien. Le permis à point, nique les contrôleurs dans le bus, dans le train. Nique les catins, nique les paltrins. L'amour s'est suicidé, nique la Saint-Valentin. Nique la mondialisation, les discriminations. Nique le jambon, nique les matons. Nique les paroles racistes de la Marseillaise. Nique les gratteurs, nique les rappeurs, nique le rap français. Nique le trésor public, nique le SMIC. Nique le fils, nique les PD qui se galochent en public. Nique le taf à l'usine, on fait du bise. Nique les petites tasses, tu passes te voir quand tu brilles. Nique sa mère, nique sa mère. J'suis au quartier, bah ouais, rien à faire. Gros, ça bicrave, ça pédave, ça galère. J'suis bitume avec une paire de Nike Air. Gros, nique sa mère, nique sa mère. J'suis au quartier, bah ouais, rien à faire. Gros, ça bicrave, ça pédave, ça galère. Gros, nique sa mère, nique sa mère. Prends les photos en promenade, nique les pointeurs. Nique le com, roule un joint de seum. Nique les sentiments, la rue n'a pas le cœur. Nique le matin, je me lève à 15h. Nique les économies, je claque ma thune. Nique les embrouilles à deux balles pour un cul. Nique le BNF, nique le bien. On vit au jour le jour, nique demain. Nique les haineux qui parlent sur toi. Si c'est toi qui parles sur moi, bah nique toi. Nique chez moi, je traîne dehors. Nique les porcs, fais-moi la passe, nique le score. Nique sa mère, nique sa mère. J'suis au quartier, bah ouais, rien à faire. Gros, ça bicrave, ça pédave, ça galère. J'suis bitume avec une paire de Nike Air. Gros, nique sa mère, nique sa mère. J'suis au quartier, bah ouais, rien à faire. Gros, ça bicrave, ça pédave, ça galère. Gros, nique sa mère.